Bon matin tout le monde, Danny Veilleux et le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant que le centre de ski de Miskin maintenant un nouveau coordonnateur. Il s'agit de Dan Saint-Gelin. Dan Saint-Gelin possède une vaste expérience dans le domaine des loisirs et succède donc à Guillaume Pétrin qui lui avait remis sa démission il y a quelque temps. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com hier, le nouveau président David Larouche explique qu'il y a eu quand même passablement de candidatures. On a eu près d'une dizaine, là, pas loin de 10 là, au niveau des mises en candidature. OK. OK. Et est-ce que c'était des bons? Est-ce que c'était des... Oui. On était très surpris au niveau des candidats. C'est sûr que, bon, un candidat parfait, je ne sais pas si ça existe, là, mais il y en a qui avaient des forces d'un côté, dans d'autres côtés. Fait que c'était une sélection qui n'a pas été facile. Puis, en fin de compte, on arrive au final avec un candidat super expérimenté, puis en Dan Saint-Gelin. Puis on est très content là, que Dan fasse partie de notre équipe. Là. Donc, c'est le meilleur. David Larouche nous parle des forces de Dan Saint-Gelin. 5 ans. 35 ans. Puis, oui, c'est un gars d'ici. Fait qu'il connaît la place. OK. Puis, la grosse affaire, c'est que Dan, il a une technique en loisir. OK. Donc, pour être un coordonnateur. Puis, il a travaillé plusieurs années comme coordonnateur pour Hydro-Québec sur les chantiers de la Romaine. Okay. Donc, on sait que sur les chantiers, là-bas, il y a des gros établissements sportifs pour que les travailleurs se changent les idées. Fait que lui, il était responsable de tout ça, les glaces, les clubs de golf virtuels, les kits de son pour des spectacles musicaux. Donc, il fallait qu'il fasse des programmations, commander des inventaires, structurer des budgets et tout ça. Donc, vraiment, là, c'est un vrai coordonnateur. C'est ça, son travail. Donc, vraiment, là, on est vraiment choyé de l'avoir parmi nous. Là. Est-ce que c'est un gars... Et ça va quand même assez bien, explique David Larouche. Après avoir connu un changement au sein du conseil d'administration, le centre de ski de Domiski s'en remet bien et c'est bien parti pour l'année. C'est sûr que nous autres, on avait déjà commencé. Les membres du CA, on avait beaucoup travaillé sur plusieurs dossiers. Donc, la saison était pratiquement prêt là, d'être décollée. Le gros de la job est tout fait. Les dossiers sont pratiquement tout réglés. Fait que la saison est prête. Là. On a reçu de la neige. Là. C'est tout ce qu'on attendait. Ce matin, Dan, dans le fond, là, c'était de rencontrer les autres employés, comme les mécaniciens, tout ça, prendre place dans son bureau, mettre ça à sa guise, aller rencontrer les personnes administratives pour donner ses informations personnelles. Puis ensuite de ça, il y avait une rencontre avec Paul Morel, parce que Paul, il est sur les dossiers très précisément. Donc, à ce moment-là, on lui remet un trousseau de clé, on lui remet un téléphone. Donc, il est en fonction, il décolle, puis j'y ai parlé les dernières heures. Il était très enthousiaste, puis il est très fier. Je pense qu'il a passé la journée au centre déjà. Fait que, oui, il est plongé, il est quasiment pitché dans la soupe, mais c'est un gars qui sait exactement où il s'en va. Fait que, encore là, c'est un gros plus. Là. OK. Parle-moi maintenant, il y avait une compétition de tir à l'arc qui s'est déroulée en fin de semaine à Saint-Félicien. On va vous donner quelques résultats maintenant. D'abord, à noter que Mathis Dufour de Saint-Félicien a terminé avec un pointage de 515 dans la catégorie Benjamin Arcapouli. À noter aussi que Sabrina Grondin de Saint-Félicien a terminé avec un pointage de 538. Dans la catégorie maître féminin, Diane Saint-Gelin a été la meilleure avec un pointage de 507. Sylvie Boilly a terminé au troisième rang avec un pointage de 481. Maître masculin, que Gilles Saint-Gelin a réussi un pointage de 558. Et dans la catégorie senior masculin, Arcapouli, Jimmy Dufour a terminé au deuxième rang avec un pointage de 555. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, comme à tous les lundis, on a parlé avec Sébastien Morin, descripteur des matchs des Saguenayens. David Simard vient nous parler des performances de Cassandra Badette, mais des athlètes de Saint-Félicien ainsi que de Dolbeau-Mistassini qui ont eu lieu en fin de semaine aux qualifications nationales. Et également, vous pouvez écouter l'entrevue avec le nouveau président du centre de ski de Domiski, David Larouche. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.